Solange, Losing You et son final à la programmation rythmique plus que parfaite. Bienvenue dans la nuit des temps, vous êtes sur Radio Duo. Ans à parcourir des pays aux Amériques du Sud et à découvrir les rythmes traditionnels de la cumbia, la salsa, le paso, le cha-cha-cha et le boléro. En 2019, il publie son deuxième album avec 12 titres, cette fois-ci enregistrés entre Toulouse, Bogota, Mazunte et Ouagadougou. Voici El Gato Negro. T'aimes pas ça, mais nous, si, si, beaucoup, beaucoup. quand je rentre tard dans la nuit et que tu dors. Quand je te dis que tu parles fort quand tu es saoul. Quand le dimanche chez ta mère je viens pas. Quand je t'écrase, t'aimes pas. Quand je suis loin. Quand j'en fais trop, t'aimes pas. Quand je dis rien, t'aimes pas. Jimmy Albert Abraham est né dans les Caraïbes en 1936. Il est entré comme cuistot dans la marine et a changé de nom en reprenant celui de sa mère, Ross. Jimmy Ross. De port en port, c'est un beau gosse et il chante et il danse dans les bars pour arrondir ses fins de mois. Après la marine, il vit en Angleterre, puis en Allemagne et enfin il s'installe définitivement en Belgique. Il se lie d'amitié avec l'un des pionniers de la pop belge et propriétaire d'un parc d'attractions, le Babjen Shoppen. En 1968, ils sortent ensemble un single en hommage à Martin Luther King. Mais la grande affaire de Jimmy Ross, c'est son seul et unique hit, First True Love Affair, ici remixé par le génial Larry Levan. Nous sommes en Belgique, nous sommes en 1981, et une nuit, tous les clubs du monde ont programmé ce titre. We'll be right back. Au cours des années 80 et 90, il n'était pas rare de croiser Jimmy Ross dans le parc d'attractions de son pote, le Bob Geland en Belgique. Le parc existe toujours aujourd'hui et Jimmy Ross reprenait son hit sur une petite scène pour le plus grand plaisir des gamins, des parents et des grands-parents. Il nous a malheureusement quittés le 21 mars 2000, mais voilà, il reste ce hit absolument génial que l'on peut entendre ici ou là encore dans quelques clubs. Club old school définitivement. Big up à Jimmy Ross. La nuit des temps, l'international de la danse. Ginger Root, It's Over, en 2022. Et c'est notre powerplay de la semaine. Vous écoutez Radio Duo, vous êtes en plein cœur de la nuit des temps. C'est l'international de la danse. Walk like Pistol Pete and Pappy Mason. Gave the young boys admiration. Prince from Queens and Fritz from Harlem. Street legends, the drugs kept the hood from starving. Pushing cars, Nicky Barnes was the 70s. But there's a long list of high profile celebrities. Worldwide on the thorough side of things. Live as kings, some died. One guy, one time, one day grasped me. As I'm about to blast heat, 40 side of burning. I turned well, he asked me, what you up to? The cops gon' bust you. I was a teen, drunk or brew. Stumbled, I wondered if God sent him. Cause two squad cars entered the block and looked at us. I ain't flinched when they watched. I took it upstairs, the bathroom mirror. Brushed my hair, staring at a young disciple. I almost gave my life to what the dice do. Yeah, man, throwing them bones. Hoping my ace get his case thrown. His girl ain't wait for him. She in the world straight hoeing. Why he looking at centerfolds? A pretty girl showing a little cooch. Gangsters don't die, he's living proof. The DA who tried him was lying. The white dude killed his mother during the case. Hung jury, now the DA is being replaced. Pre-trial hearing is over, it's real for the soldier. Walks in the courtroom, the look in his eyes is wild. Triple homicide, I sit in the back aisle. I wanna crack a smile when I see him. Throw up a fist for black power, cause all we want is his freedom. Then he grabbed a court officer's gun and started squeezing. Then he grabbed the judge, screams out, nobody leaving, everybody. Get down, get down. In they ass when they catch them. Weird ass niggas who dangerous, so don't test them. They make you disappear. This a year that I won't forget. Soul CDs, double platinum, met more execs. Southern niggas, independent label, real killers. Know the business, ran Tennessee for years, now they chillin'. They had the coke game, something crazy. Soul music out the trunk of their car, that shit amazed me. Put me on the Heron blunts, Sherm or something. Took a puff, what the fuck, I turned and punched them. Southern niggas ain't slow, nigga tried to play me. I left from around them dudes, they cool but they crazy. Now I'm back around the old school and raised me. New York gangsters, we lounging out in L.A. See, a dude wrote my dog from Pelican Bay. The letter say, Nas, I got your back, the fools don't play. I rode with some Crips down to a Crenshaw funeral. Never saw so many men slaughtered and I knew the whole responsible. The nigga's still alive in the hospital. Midnight, they crept in his room and shot the doctor too. See, my cousins in the gang thugging and things. He plugged me with a dame who was half Mexicano. Gave the ass up, I'm a Mac Daddy Soprano. She passed me the indigo, but the imbecile should've never tippy-toed. Thought my eyes were closed. Opening the hotel room door, the little goons in, but I moved in the manor on some Jet Li shit. I let the hammers blow, wet three kids. See, honey thought I had something to do with all the drama, cause I was with a crew that had a people killed. Called up my cousin, told him I ain't fucking with you. He responded cool, but told me y'all here, this how motherfuckers. Get down, get down. Gotta say is like, if that's how people gonna get down, how we ever gonna get up? How we ever gonna get up if that's how we get down? Shame when you really look at it. My folk against your folk, but we all kin folk. Somebody gotta make a change. Il est né à Istanbul et a commencé en mixant de la house et de l'électro à Paris. C'est l'un des pionniers de la French Touch à sa manière, en mixant sur des radios mainstream. Dimitri From Paris, c'est son nom, a du génie dans les mains pour faire de la dentelle et surtout, recomposer des standards. Il redistribue les cartes sans pour autant déconstruire. Au contraire, il y a un truc lié à la fluidité dans ses remixes et un indéniable sens du groove. On le retrouve ici en 2020 en s'attelant à un classique des classiques, des Jackson 5. La nuit des temps, Radio Duo. Thank you. Et voici Roy Ayers, c'est l'un des Godfathers du funk et du groove. Good, good music. C'est bon aussi pour nous. Nous sommes en 1983. Et vous êtes dans la nuit des temps. La nuit des temps, l'international de la danse. Yeah. Et soudain, presque le même BPM, mais nous sommes cette fois en 2022. Nous sommes même à Hambourg, en Allemagne. C'est le bosniaque Salomum qui s'associe ici avec les anglais de Zoot Woman, Nobody's Loved. Et c'est toujours le battement de Saint-Étienne, Radio Duo. Thank you. Je crains que leur live à Fourvière le 25 juillet prochain ne soit déjà sold out. Voici The Blaze avec un extrait de leur nouvel album, Medley 2023. La nuit des temps, Radio Duo. Déjà l'heure de refermer les portes de notre bon vieux club. C'était le numéro 14 de la nuit des temps avec aujourd'hui le Californien Ginger Root en power play et je vous invite à écouter leur album parce que c'est vraiment vraiment excellent. Il y avait également Solange qui est bien mieux que la simple sœur de Beyoncé, El Gato Negro, qui n'aime pas ça, mais nous on l'aime. Le vieux briscard de Jimmy Ross qu'on a ressuscité, le temps de 8 minutes de dance et de funk et de disco. Le taulier du rap des années 2000, Nas. Il y avait aussi les Jackson 5 revus et corrigés par Dimitri From Paris. l'un des patrons du groove et du jazz, Roy Ayers. Les Allemands, Salomon. Les Français, The Blaze. Et tout doux comme un oreiller sonore pour se dire au revoir, Thomas Bangalter, qui a une vie solo après les Daft Punk. Oui, ça fait très classique, mais c'est pour de la danse, une musique pour le théâtre de Bordeaux. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour ouvrir les portes de la Nuit des Temps. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Instagram à la Nuit des Temps 2. Et bien entendu, vous pouvez également retrouver les podcasts qui sont disponibles sur le site de Radio Dio. Tout à l'heure, dans quelques minutes, vous allez retrouver Pédale Scandale, qui a décidément le prix Goncourt du meilleur titre d'émission radio. Et on les embrasse très fort. Je vous laisse encore avec un peu de Thomas Bangalter, un ou deux bonus, comme ça, passé en loose day, et juste après, Pédale Scandale. Passez une très très belle soirée, une belle nuit, sous le soleil étoilé de Saint-Étienne. Radio Duo, il est 22h passé de quelques secondes et vous allez retrouver dans quelques instants Pédale Scandale.